Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC sur Radioactive. Aujourd'hui, on vous propose une double escale entre engagement solidaire et programmation estivale. On vous emmène au cœur du quartier de Maletraine à l'Association pour l'habitat des jeunes, où deux belles initiatives ont en effet retenu notre attention. D'abord, celle des Doigts d'Or, un groupe de couturières bénévoles solidaires. On parle engagement, transmission et dignité autour d'un projet qui lutte contre la précarité menstruelle. Ensuite, changement d'ambiance, mais même esprit collectif avec Ulysse, animateur à La Sage, qui nous présente la guinguette d'été. Une série de rendez-vous festifs, culturels et conviviaux à venir très prochainement. On commence donc avec nos couturières. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe ? On a Sophie, qui était là au début. Après, qui est-ce qui était là au début ? Evelyne. Régine. Josette. Suzy. Lydie Rose, Baïdja, Lucie, Sandrine, Stéphanie, Isabelle et moi qui me suis grée... Oh oui, Sylvie. Oh bah si je l'oublie, je vais me faire rouspéter. Ensuite, moi je suis arrivée dans l'entrefaite il y a à peu près un an. Ça va faire 3 ans au mois de septembre. Ah oui, quand même. Ça fait 2 ans et demi que ouais. Je suis avec elle, enfin que je suis avec les filles. À la base, c'était se retrouver, faire de la couture, faire quelque chose avec nos doigts, ouais. En tout cas. C'était au départ pour faire des réparations en couture, soit à faire un ourlet, mettre des boutons. Et fur et à mesure, on a fait beaucoup de choses. Des porte-cartes, des bananes. Et là, on est venu à mettre notre nom sur le projet. C'était les Doigts d'Or de La Sage. Et là, on fait des serviettes hygiéniques pour les femmes. Et je laisse la main à Delphine parce que c'est elle qui est sur ce projet-là. Alors c'est intéressant, vous dites les Doigts d'Or de La Sage, mais pourquoi justement vous êtes venu vous installer dans cette infrastructure ? Parce qu'au départ, on m'avait invité pour faire exposer sur du point de croix, et j'ai voulu faire et point de croix d'un côté, et couture. Et du coup, c'est la couture qui a pris sur le point de croix. Et c'est à cause de Delphine qu'on s'est lancé plus sur la couture que sur le point de croix. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager sur le thème des règles et de la précarité menstruelle ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 années de suite, on a offert, alors pas 2 années de suite à la même association, mais la première année, on a voulu faire des sujets pour mettre dans les sapins de Noël, pour offrir aux enfants des Restos du Cœur. On est allé les remettre officiellement au Resto du Cœur, les installer dans le sapin. Et l'année d'après, donc l'année dernière, au mois de décembre, on a fait la même chose, mais pour le Secours Populaire. Et donc, une des responsables est venue nous voir, on lui a remis. Et une de nous a lancé, mais il vous manque quoi ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à avoir ? Et c'est là qu'elle nous a dit, le plus difficile pour nous, c'est tout ce qui est protection hygiénique et toilette intime pour les femmes. Puis bon, on en a parlé, on a discuté de culottes menstruelles. Et puis quand on est revenu des vacances de Noël, mon idée, moi, a germé dans ma tête. Tu avais fait des recherches. J'avais fait des recherches. On était plus ou moins toutes sur le même sujet. Et je suis arrivée à la rentrée début janvier avec mon idée de faire des serviettes hygiéniques. Parce que la culotte hygiénique, au vu de nos tailles toutes différentes, on s'est dit, on ne va pas faire un magasin, ce n'est pas possible. On s'est dit, plutôt que de faire des culottes menstruelles, faire des serviettes hygiéniques dans le sens où on a 4 tailles. On a la taille 1 qui est l'équivalent du protège-slip, la taille 2 qui est la taille, on va dire, normale ou mini, la taille moyenne qui est de la taille 3 et la taille 4 qui est l'équivalent des tailles de nuit. D'accord. Et en fait, par expérience... Pour ma propre part, c'était 10 jours, un paquet de serviettes tous les 2 jours, et c'était très facilement entre 50 et 60 euros par mois, pour moi seule. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles qui vont arriver dedans. Donc forcément, ça fait tout de suite beaucoup. On en a beaucoup discuté, on a beaucoup... En fait, on a passé presque un mois et demi à essayer de voir comment on pouvait faire, qui pouvait nous aider à... à participer financièrement, à nous procurer du tissu. On a cherché pendant un mois et demi. Toi, tu as fait ta recherche sur des modèles aussi. Moi, j'ai fait mes recherches sur les patrons. Oui. J'en ai trouvé un qui était pas mal. Et puis après, je les ai soumis, mais on a vraiment travaillé ensemble. Et on a fini par se dire que on pouvait peut-être voir avec des partenaires, des entreprises existantes. Locales, oui. Locales. D'accord. Donc, nous avons rencontré Madame Rondineau. D'accord. Chez l'Estra. Okay. On a eu la chance d'avoir affaire à une femme. Une femme super gentille. Super accueillante et très réceptive. D'emblée favorable à notre projet. Ouais. Donc tu as présenté le projet. Bah, on avait déjà la documentation. On avait déjà, oui, on avait parlé. J'étais avec Malika, oui, la directrice de la SAGE. Donc après un entretien très animé avec elle, elle est tout de suite allée dans l'atelier, ouais, pour nous ramener plusieurs rouleaux déjà. Elle nous a sorti une bobine de fil et un rouleau pour voir si ça pouvait être bon. Et un échantillon pour le tissu absorbant. Et au final, on a dit banco et Lestra nous a offert du tissu. Bon, grand merci, ouais, à Lestra, puisque on y est retourné depuis encore. Le tissu extérieur, ouais, et l'absorbant. Et puis au détour d'un rendez-vous de Malika avec la responsable du château de Chenonceau. En discutant avec elle, on lui a présenté notre projet et elle nous a fait part d'un stock de vieux t-shirts qui ne servaient plus et qu'elle ne savait pas quoi faire. Bah nous, on a dit banco, on accueille, c'est pour nous. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nos serviettes sont grises sur l'extérieur de par l'Estra, et roses pour certaines à l'intérieur de par le château de Chenonceau, le château des dames. Château des dames. Ah, mais en plus. Oui. Il n'y a pas de hasard. Alors, vous soulevez le côté financier, effectivement, on imagine l'économie que ça représente, mais par rapport justement aux textiles qui sont utilisés, il y a aussi un côté écologique. On imagine que vous n'utilisez pas n'importe quoi, et justement, comment ça se passe la confection? Alors, on a 4 tissus différents pour les 3 plus grandes tailles. Pour la première, en fait, on a un tissu intérieur qui est un coton. Alors, le mieux, c'est un coton bio, écotex. Bon, on n'a réellement pas les moyens. Donc, on a fait avec les moyens du bord et on a recyclé donc les t-shirts. On a fait sur l'extérieur un tissu polyester ou coton, en fonction de ce qu'on avait. Et le tissu, en fait, le plus important qui ne peut pas être trouvé comme ça, c'est pas un tissu qu'on a tous chez nous, parce que c'est un tissu qui s'appelle un tissu pull. Et c'est un tissu spécial dans le sens où c'est un tissu qui est coton sur l'extérieur et l'intérieur, il est en imperméable. Donc c'est un tissu qui va permettre de ne pas faire passer les fluides et qui sera coincé donc entre le tissu t-shirt et le tissu extérieur, donc le tissu polyester ou coton. Et entre les deux, pour les 3 plus grandes tailles, donc la taille 2, la taille 3 et la taille 4, on a une bande de tissu absorbant pour justement absorber un maximum de fluide s'il y a besoin. Parce que la taille 1, c'est un protège-slip, donc ouais, c'est pas forcément un gros débit de fluide. Vous visez quel public quand vous préparez justement tous ces kits? Parce que alors, quand on voit, c'est des petits kits où vous avez plusieurs, vous l'expliquiez tout à l'heure, voilà. Et est-ce que c'est à destination des résidents, par exemple, du FJT? Est-ce que c'est à destination des personnes du Secours Populaire, comme vous avez été alerté là-dessus? Comment ça se passe? C'est pour toutes les femmes. Toutes, d'accord, celles qui veulent venir en chercher, on sera là. On pourra leur en offrir à la SAGE dans un premier temps. Maintenant, je sais que le Secours Populaire, on va leur en apporter quelques exemplaires. Et la pareil, banque alimentaire la aussi. Banque alimentaire. Très intéressée. On va aussi au CADA et, ouais, les Restos du Cœur. La Croix-Rouge aussi, en fait, toutes les associations qui touchent du, touchent du public social. Aussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas que pour les personnes qui n'ont pas les moyens, ou peu de moyens. C'est-à-dire que n'importe quelle femme, si elle veut tester, elle peut venir, on leur offrira un kit. Le premier kit, le premier est offert. C'est-à-dire, c'est les 4 tailles différentes, avec un petit mode d'emploi. Après, à elles de savoir quelles sont les tailles qui vont leur convenir. Si elles en veulent plus, on ne fera pas une distribution gratuite tout le temps parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi, pas de retirer du profit parce que ce n'est pas notre but, mais c'est de valoriser entre guillemets notre boulot parce que c'est très chronophage. Ah bah, on imagine. Et vous avez une idée de combien vous avez produit de kits ou alors de... Normalement, mais justement, oui, on allait... Alors, et normalement, les kits, on devrait avoir à l'heure d'aujourd'hui tout fait. 98 parce qu'il nous manque 2 étiquettes. Sinon, on en aurait eu 100. Ah ouais, bravo. Et autant il y aura de tissus, autant vous continuerez? Bah, si on veut, oui. S'il y a de la demande pour en avoir, en oui, effectivement. Après, voilà, on a nos kits, on va les distribuer. En fonction des personnes qui veulent venir en rechercher, on demandera une petite participation. Alors, ce ne sera pas un coût extravagant, hein. Ce sera plus au chapeau, entre guillemets, au bon vouloir. Mais voilà, après, si ça peut permettre de dépanner ou tout au moins de passer à autre chose que du jetable, pourquoi pas. Alors là, j'ai vu que vous étiez positionné au niveau du budget participatif de la ville d'Amboise. Sachant qu'à l'instant où on se parle, pour l'instant, tout est encore à l'étude. Hein. On ne sait pas quel projet sera retenu. Mais en tous les cas, s'il est amené, et on n'en doute pas, à être dans la compétition, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour les inviter à voter pour ce projet? Tout simplement, c'est prendre soin de nous, à chacune d'entre nous. et bah, participer à notre petite échelle au bien-être de la... planète. De la planète, ni plus ni moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà eu un petit prix parce qu'on a répondu au projet participatif de Val Touraine Habitat et nous avons été lauréats. On a eu la chance d'obtenir 500 euros de la part de Val Touraine Habitat sur tous les... Ouais. Donc, félicitations. Merci. C'est une belle reconnaissance aussi. Vous avez le sentiment que ça se démocratise, cette pratique d'utiliser des protections périodiques durables? Ah bah en tout cas, oui. Enfin, il y a beaucoup d'articles qui le disent. Il y a même une la pétition, c'est plus sur tout ce qui est gratuité. En fait, c'est ce qui revient souvent, c'est la gratuité des serviettes hygiéniques. Maintenant, je me dis que pourquoi pas le faire de façon écologique et économique? Parce qu'après, il y a juste à les laver et on les réutilise. Donc, moins de déchets. Tout à fait. Est-ce qu'au contraire, il y a des résistances parfois? Alors, ce n'est pas des résistances à proprement dites, parce que ce n'est pas catégorique. C'est vraiment, ouais, mais on revient quand même à l'ancien temps où il faut laver. Au final, on met ça dans le linge. Vous avez des envies ou des projets à venir avec cet atelier couture? Il y a une prolongation. De toute manière, on a dans notre groupe une femme qui a été touchée par le cancer, qui a des turbans. Et elle nous a lancé l'idée, pourquoi pas des turbans? Et on va y aller. On va y aller, mais par contre, voilà, il faut qu'on regarde ce qu'on a besoin comme tissu, quelle matière. Et on va essayer de toucher tout le monde, que ce soit des petits, que ce soit des adultes, mais hommes ou femmes. Parce qu'on est tous touchés et que chacun, s'il veut un turban, il aura un turban. Mmh. Et puis c'est tout. Donc on essaiera des gros projets comme ça. Mais à côté de ça, on peut toujours avoir nos petits projets de savoir changer une fermeture éclair, refaire un ourlet, oui. Des petites choses comme ça. Mais la couture de base, on va dire. La couture de base. Maintenant, oui, effectivement, on essaye d'avoir des gros projets. On a toujours nos petits projets, mais quand on a un gros projet, c'est vrai que c'est très compliqué. Ça peut durer des fois des mois et des mois. Non, on a un sacré groupe de fidèles. Là, le projet nous a pris quand même 5 mois et demi. Oui. Mais on a bien bossé. Moi, je dis qu'on peut être fiers de nous. Voilà. Mais je compte aussi profiter de l'ouverture de la guinguette aujourd'hui. Oui, pour faire une première distribution distribution à destination peut-être des résidentes ou autres personnes présentes. Oui, donc on commence ce soir et après, chacun peut venir à la SAGE en demander. Nous, de toute manière, si nous, des doigts d'or, on n'est pas là, il y aura toujours quelqu'un à la SAGE qui pourra offrir un kit. Et puis, on essaiera d'en refaire au fur et à mesure. Donc voilà. Et est-ce que ce groupe est voué à s'élargir? Est-ce que des personnes qui nous écoutent peuvent venir vous rejoindre? Non, mais au contraire, on est toutes les... Ouvert. Venez. Chacun et chacune est la bienvenue ou le bienvenu. Plus on est fou et à rigoler. Plus on est fou, plus on rit. On ne demande qu'à s'élargir. Hein. C'est ça. Non. Très bien, merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci, la Radioactive. Alors, Ulysse, bonjour. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par nous préciser ton rôle au sein de l'asso et puis ton rôle aussi dans cette fameuse guinguette? Alors, du coup, je suis l'animateur du foyer et j'ai également, du coup, dans ce rôle-là, je dois programmer et coordonner la guinguette de Maletraine. On en est à combien d'éditions de cette guinguette? C'est la 4e édition cette année. Alors, c'est une guinguette qui, et on t'a déjà entendu le préciser dans d'autres médias chez nos confrères, c'est une manifestation qui est vraiment ouverte à tous. Oui, c'est ouvert à tout le quartier. D'ailleurs, on en fait la promo à l'échelle de la communauté de communes à Tours, même vis-à-vis de certains de nos partenaires qui sont pas à Amboise. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la programmation qui nous attend? La programmation, d'une part, elle est pluridisciplinaire, parce que du coup, il y a de la danse, de l'art pictural avec la grande fresque, de la musique live. Il y aura également des animations sportives, ludiques. Il y a également de la cuisine du monde. Donc voilà. Et elle est multiculturelle, puisqu'on a voulu, à l'image un petit peu du territoire, mais surtout nous, du foyer de jeunes travailleurs, on a voulu apporter une touche de différentes cultures. Donc il y a du flamenco, il y a un chanteur sénégalais, un chanteur guinéen, il y a une journée des animations irlandaises. Voilà, il y a tout un tas de cultures représentées, il y en a pour absolument tous les goûts. L'idée, c'est évidemment que les résidents, qui sont à peu près au nombre de 89, s'il y a toujours 89 logements dans l'établissement, c'est que chacun, ou en tout cas ceux qu'ils souhaitent, puissent s'investir à tes côtés. C'est ça, l'organisation repose quand même énormément sur le bénévolat, donc concrètement la gestion du bar, l'organisation, la mise en place, le montage de la scène, même artistiquement pour les choix de programmation, j'ai fait appel à eux, je leur ai présenté différents artistes, j'ai pris des avis. Et voilà, la cuisine aussi tourne avec essentiellement des bénévoles. on repose sur l'aide, l'entraide, la solidarité des habitants pour que le projet se passe bien. Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont été mobilisés à vos côtés aussi ? Oui, il y a des partenaires. On se fait prêter tout le matos de son, la scène, avec différents partenaires, du coup, notamment, je pense, au 37e parallèle à Tours. On a des partenaires pour la fresque murale. Notre partenaire, c'est l'association Le Mur, qui fait sa première édition de fresque à Tours, à Saint-Pierre, et qui nous prend dans le off en nourrice un petit peu. C'est une association qui a une soixantaine de succursales dans toute la francophonie européenne et qui promeut le graphe, l'art contemporain en espace public. Est-ce que parmi toutes ces animations que tu nous énumères, il y en a une que tu attends particulièrement ? Alors sans faire de jaloux, évidemment, ils t'en voudront pas, mais... J'attends vraiment nos temps forts, en fait. Donc là, ce soir, on est le 26 juin, c'est la soirée d'ouverture. Il y a une batucada brésilienne, on va déambuler dans tout le quartier. Ça, j'attends ça impatiemment, puisque c'est une grande forme et qu'en plus, ça va être hors les murs, du coup. La soirée de clôture aussi risque d'être une grosse soirée. Et le temps fort au milieu, c'est la fresque murale de la semaine du 7 au 12. Il va y avoir un artiste nationalement reconnu qui s'appelle Drop, qui va venir peindre une façade de 40 mètres carrés du FJT pendant toute la semaine et faire des ateliers graphes pour les jeunes du foyer ainsi que les jeunes du quartier. Donc ça, c'est les trois rendez-vous que j'attends. Après, c'est vrai que la programmation est belle et que j'attends un petit peu toutes les dates quand même. Puisqu'on parlait de musique, est-ce que tu peux nous faire découvrir un des artistes qui va se produire sur cette guinguette ? Du coup, on va découvrir un groupe, et c'est un groupe local, comme toute la programmation de la guinguette d'ailleurs, qui s'appelle Beyadi. Eh ben, c'est parti ! Là, je suis dans le ciel, je suis pas dans le sky. On bosse tout l'été, activant mélanine. Prends du recul de l'auteur, on est d'en bas. Allez, PTB, écoutez Beyadi. On aurait pu briller, aller dans le sable. Écourter nos carrières, la mélanie. Pas si aimer, kiffer le fait d'être en cage. Douiller dans la nôtre et dire que c'est la vie. Dans ma saoudade, mani, ça bouge pas. J'ai aimé ça faire son bouche-ca, après c'est comme bouche-casse. J'aurais pu me comporter comme douche-bag. Pas posséder l'avenir et ton couche-tard. J'avais grave d'amour et j'avais masse doute. Tourner grave en rond, j'écoutais ma stoupe. J'étais masta pour toi, faut s'oublier. J'ai cru toucher le fond, on n'est pas fait pour. Y'aura moins de problèmes, moins de larmes, moins de passion. Y'aura moins de futur pour aimer, moins de façons. Pour poser fondation, moins de maçons. Ceux qui font la leçon se trompent façon. Lumière dans la nuit, commencer ma prise de recul. Les plaies embellies, réparer les failles, c'est la thérapie. Lumière dans la nuit, commencer ma prise de recul. Les plaies embellies, réparer les failles, c'est la thérapie. J'ai zoné dans les bars, j'ai zoné dans les coins sombres. J'ai soupesé tous mes torts, au bout d'un temps j'ai des yombes. On s'est paumé dans les rêves, croyant voir ce que l'âme songe. Tu voulais t'envoler, je suis pas la fusée d'hameton. Ouais, ouais, on s'est tenu par la laisse, mais on s'est soutenu par la dèche. Ma belle, petit ange a tiré qu'une flèche. On verra pas nos gosses à la crèche. Y'aura plus d'entre-deux, y'aura pas d'entente. Pas de frappe de mule, pas de barre entrante. Plus de découvertes, pas de barre dansant. Plus que des souvenirs et ça fait mal quand je sens qu'elle est toujours dans mon cœur, plus dans ma tête, plus dans la fête. Ah ouais, réactiver le bonheur, se vider la tête, j'ai plié la tête, sa mère. J'avais pas v'là les mailles, v'là les masses, la bédave m'a dit taille, taille, taille. Toutes les failles sans la maille sur la page, j'pouvais taille, taille, taille. J'avais pas v'là les mailles, v'là les masses, la bédave m'a dit taille, taille, taille. Toutes les failles sans la maille sur la page, j'pouvais taille, taille, taille. Lumière dans la nuit, commencer ma prise de recul, les plaies embellies. Réparer les failles, c'est la thérapie, lumière dans la nuit. Commencer ma prise de recul, les plaies embellies. Réparer les failles, c'est la thérapie. Ah. cave, là les mailles, là les masses, la bédave m'a dit taille, taille, taille. Toutes les failles sans la maille sur la paille, je pouvais taille, taille, taille. J'avais pas, là les mailles, là les masses, la bédave m'a dit taille, taille, taille. Toutes les failles sans la maille sur la paille, je pouvais taille, taille, taille. C'était donc Beyadi sur Radioactive. Nous sommes toujours avec Ulysse, hein, qui est donc l'animateur à l'Association pour l'habitat des jeunes à Amboise et qui pilote Demain de Maître, cette guinguette qu'on va retrouver pendant tout le mois de juillet à la Sage, au 14 allée de Malétrenne, pour rappeler l'adresse. Ulysse, donc on vient d'écouter Beyadi, c'est quel style et qu'est-ce qu'il y aura comme autre style pendant ce mois de juillet ? Beyadi, c'est un style un petit peu hybride, mais avec des racines hip-hop, rap. Et comme style, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc il y a de la soul, il y a du rock, en impro, du groove, il y aura du rap. Comme en danse d'ailleurs, il y aura différents styles. Il y aura du flamenco, de la danse irlandaise, du hip-hop, du dancehall. Voilà, n'hésitez pas à checker le programme qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur le site de la ville d'Amboise dans l'agenda. Et on vous accueille avec grand plaisir presque tous les jours du mois de juillet. C'est principalement en semaine d'ailleurs, sauf la semaine de la fresque où là on va faire vendredi, samedi. Sinon ce sont des dates en semaine. Alors ça tombe sous le sens, mais on va le rappeler quand même. Il y a buvette et restauration disponibles. Tout à fait. Il y a un bar qui sera tenu par des bénévoles. Et il y a en fonction des soirées, restauration à thème ou non. Il y a paella, la soirée espagnole. Ce soir et la soirée de clôture, ce sera restauration brésilienne. On accueille aussi un ancien résident qui est un traiteur sri-lankais qui viendra 5 jours tous les mercredis avec une option végétarienne et qui fera un plat unique différent tous les mercredis. Voilà, encore une fois, je vous invite à checker tout ce que vous pourrez sur l'agenda. Et puis l'intervention de certains partenaires comme la CPTS Asclépios ou la MJC d'Amboise, le planning familial ou encore l'espace santé jeune. Tout à fait. C'était important de les associer. Tout à fait, merci de le préciser. Oui, c'était important de les associer, d'autant plus que c'est des associations qui sont présentes sur le foyer de jeunes travailleurs et qu'on voulait voilà, une place pour les partenaires. Si je te dis cornichon et fresque, c'est quoi le rapport entre les deux, Ulysse ? C'est un grand écart. Du coup, on va réaliser cette fresque grâce au mécénat d'une entreprise qui s'appelle Redzel et qui a une filiale qui s'appelle Hugo en France, une usine à cornichons qui est implantée localement et qui nous met à disposition sa nacelle qui permettra au graffeur, à l'artiste, de monter tout en haut de la façade pour réaliser sa fresque. Alors cette guinguette à Malétrenne, elle est en local, elle est pour le public local et je crois que même la com est locale. Et je crois que tu voulais justement mettre un petit coup de chapeau pour cette graphiste. Oui, bah voilà, clairement, cette guinguette, c'est un produit du terroir, de notre terroir. Et intrinsèquement, ce programme, il a été réalisé par une jeune graphiste qui s'appelle Sandra, qui a fait un incroyable travail pour nous et que je recommande fortement à tout le monde. Vous pourrez trouver ses coordonnées sur le programme. Super. Eh bien, aujourd'hui, on a vu que sous le toit de la Sage à Malétrenne, il se passe bien plus que de l'hébergement. Il y a des aiguilles solidaires, des idées qui prennent forme, des jeunes qui s'investissent et des envies de fête qui rapprochent les gens. On remercie Evelyne Georget pour son action précieuse avec les Doigts d'Or et évidemment toute son équipe. Merci à Ulysse pour l'énergie déployée autour de la guinguette d'été. Et à suivre de près sur Radioactive et comme toujours, vive les initiatives qui cousent du lien et qui font vibrer nos quartiers. Merci beaucoup. Merci à vous, à très bientôt.